Voici votre butin régional. Activité mijoton à dos à la salle Guy Veilleux de Crouchir le 6 avril. Comme le nom l'indique, ça s'adresse aux ados pour cuisiner et apprendre à cuisiner. Information ou inscription à 819-86-1508 ou à larelèvehsf@hotmail.ca. À Istinguis, souper de fin volard et jambon le 7 avril à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. L'éco-centre de la MRC du Haut-Saint-François ouvre le 7 avril. Service gratuit pour les citoyens. Du 7 au 25 avril, l'éco-centre sera ouvert les mardis de 8h30 à 16h30 et les samedis de 8h30 à midi. Dans le cadre des cliniques impôts offertes gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, les citoyens de Bury sont invités à venir chercher leurs documents le 8 avril de 9 à 11h au Pope Memorial School, 523 Stoke Street. Documents qu'ils y ont laissés le 1er avril. Le club FADOC Nouvelle Saison de Skostan tient son élection du conseil d'administration le 8 avril à 19h au sous-sol de l'église. Plusieurs postes à combler. Il s'agit d'une élection très importante car, advenant le non-renouvellement d'au moins 4 postes, incluant celui de président, le club Nouvelle Saison sera aboli. Il s'agit donc ici d'une question de survie pour le club. Des offres d'emploi d'été sont offertes par Crookshire Eaton. Secteur Crookshire, Johnville et Sawyerville, des postes d'animateur et animatrice niveau 1 qui, sous la supervision de la directrice et de la coordonnatrice en loisirs et de l'animateur ou animatrice de niveau 2, voient l'encadrement des enfants inscrits au service d'animation estivale. Aussi, pour les mêmes secteurs, des postes d'animateur ou d'animatrice de niveau 2 qui, sous la supervision de la directrice et la coordonnatrice en loisirs, voit à l'encadrement des animateurs du service d'animation estivale et à la coordination du dit service. Pour les secteurs de Crookshire et Sawyerville, des postes de sauveteurs, piscine extérieure, et d'assistants sauveteurs. Pour tous ces postes, on doit faire parvenir son CV avant le 8 avril 16h à la ville de Crookshire Eaton, 220 rue principale, J0B1M0. Pour information, Manon Leroux, 819-560-8585, poste 2310 ou manon.leroux@hsfqc.ca.